Let's go! Are you ready? Une bonne soirée, bienvenue le dimanche soir, c'est le rendez-vous incontournable, il est là en pleine forme. Comme toujours. Avec DJ Kayz, comment va ? Bah ça va, on finit l'année en beauté. Le week-end était bon ? Très très très très bien. Donc on peut attaquer une nouvelle soirée, une heure, un peu plus d'une heure d'ailleurs. Hein. Une heure avec de la news, tiens d'ailleurs je tenais à signaler que voilà on avait découvert ici même Ritza avec la Sedai qui cartonne aujourd'hui. Et les Ritza qui débarquent dans Planète Rap dès lundi. C'est ça, dès lundi et aussi... Donc tu passeras peut-être. Oui, je ferai un petit coucou obligé. Et aussi Franco Collet la Petite qu'on a découvert. Ouais, l'artiste camerounais qui fait un véritable carton. Hein. C'est ça. Ouais, camerounais, ouais, c'est ça. Et qui qu'on a mis ici depuis à peu près, qu'on a joué depuis un mois et demi. Ouais. Ça. Donc découvert dans Rail Suprême. Rail Suprême, donc vraiment, on est fiers de nous de faire découvrir des morceaux qui aujourd'hui cartonnent. Donc d'autres nouveautés à découvrir. Oui. Des sons plus classiques, voilà, des sons d'ambiance. Faut vraiment mettre l'oreille. Et quand c'est du méga lourd, je le laisse pas trop longtemps. Et bah restez bien avec nous, c'est parti Kayz. Allez on y va en attaque. Salut tout le monde, c'est DJ Kayz. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. On Skyrock. Tu sais ce soir ça va mal, j'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que t'y es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marine. T'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange, mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marine. Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Moi j'emmerde. Des pensées de ton géniteur, génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aînée et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix, Marine. Tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui, penser que le blanc ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je vais, et plus je proteste et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui c'est Rail Suprême. J'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. J'emmerde. Marine, tu crois vraiment que t'es dans le vrai, que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé. Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif, des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen. N'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable, Marine. J'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui c'est DJ Kaze. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. Hors jeu music. Yes. Franco. Des chats à la babo, mais. Mon ami, je dis, tu ne danses pas. Dimanche soir, DJ Kaze te mixe tous les sons de Rail Suprême. En direct sur Skyrock. Tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder si toi, hein. Mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'abuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites. Fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoisse la petite, embrouille la petite, et maintenant colle la petite. Coller, coller, coller, coller, coller la petite. Coller, coller, coller, coller, coller la petite. Viens pas faire le gros bras ici, on va t'agarrer. Sinon nous on se plaint pas de mandat physique. Attaque aux seules conditions physiques. Toujours à temps d'avancer Paris. Champion en titre, combien tu paries? Combien tu paries? Serge Aurier, Cisaille les petits. Prends-toi un carton pour sauver notre équipe. Et j'ai dit Cisaille les petits. Écoute-moi le petit. Paris c'est ma maison. L'Arc de Triomphe c'est mon coussin. Nadine Morano a raison. J'suis pas français, j'suis parisien. Les Champs-Élysées, t'as ça toi. L'Arc de Triomphe, t'as ça toi. Le Trocadéro, t'as ça toi. La Tour Eiffel, est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi, t'as ça toi. T'as ça toi, est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi, t'as ça toi. Est-ce que t'as ça toi? La meilleure peuple vient de chez nous. Le meilleur te devient de chez nous. On voit pas de viscère si t'es chelou. Ah toi là t'es chelou. Les meilleures ambiances elles sont chez nous. Les meilleurs te bois elles sont chez nous. Guette le pas d'autre mais on peut te chécou. Tu veux de la violence tu viens chez nous. Du lundi au lundi c'est parti. Même les Marseillais viennent coller sur Paris. Colle la petite, traumatise la petite. Dévore la petite jusqu'à t'as plus d'appétit. Je reprends, cible ta petite. Ensuite engage ta petite. Colle ta petite. Et puis traumatise la petite. Tu la trouves où? Tu la trouves où? Tu la trouves où? Tu froufous la petite. Calcule pas les autres c'est des jaloux. Dans le coffre y'a le joujou au cas où. Paris c'est ma maison, l'Arc de Triomphe c'est mon cousin. Nadine Morano j'ai même pas commencé. Monte le son. Aujourd'hui, tu l'entends partout. Partout. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Je mange ça. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Mec, regarde ta go, depuis tout à l'heure, elle fait que me fixer. On la quétale, ça la mélo. Je veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre les bandes classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange ça. Je suis avec mes potos, rame toutes les tigresses.

A mes côtés j'ai foncé, location dernier Cayenne, je prends la route vers Tanger. Je fais des stats dans la piscine pendant que toi t'es congelé. Zifou t'as validé, validé, validé. Dans le vide t'as paniqué, paniqué, paniqué. Écoute-moi tu vas kiffer, pour une ambiance de qualité. Comment vous dire que je vais bien, moi des ennuis je suis à l'aise. Le soleil tape sur moi, je suis pas très loin de ma lèvre. J'hésite entre le Saudi Atro et 555. J'm'en fous tant qu'on s'amuse avec mes 5-5. Rêve d'un bang bang, carré vie, bad bitch, Grey Goose. Boire bien vu dans ma matrix, sauf frais. On va se relaxer, fais pas le fond, t'allume avant de te menacer. Ça fait bon, mais là, j'vais finir en blessé. Marrakech, j'vais les batteries. After la piscine, c'est taille. Si tu voulais recharger les batteries, on est dans le délire, si tu veux follow. Y'a que des folles, des alcoolos. Tu t'es vomiti, j'avoue, c'est pas l'eau. Mais qui t'a dit que c'était de l'eau? Ne sois pas bénéfice, mets de côté ta tristesse. Faut qu'on crame les bénéfices, qu'on a gratté dans le business. Marre de manger du riz, marre de l'opinion de Marrakech du rire. La chère à ta compagnie, je craie des cordes et pile-pile. J'avais croix combiné, l'artiste de bim-bim. Ce soir c'est tout moi qui apparaît plus à la piscine de la villa. Tu connais, on t'aurait que deux missiles. Loin des imbéciles, demain c'est l'amnésie. Et elle revient par ici, faut que j'oublie mes soucis. Je m'en fais pas un peu là, je vais finir à me baisser. Marrakech, je vais y battre. After à la piscine, c'est dingue. Si tu voulais recharger les batteries, on est dans le délire, si tu veux follow. Y'a que des folles et des alcoolos. Tu t'es vomit si j'avoue c'est pas long. Mais qui t'a dit que c'était de l'eau? Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Gigante, je suis fier de mon parcours. Pour bronzer, type méditerranée. Oh,

لنبكيش كي وقول عنا شعبية الحالة قطعت بحور ثمان يدور والغربة قد تالة لنبكيش كي وقول عنا شعبية الحالة بركانية العالي من اللي تحداني غريب وبراني كي ديرانا فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مرضى أنا بركانية العالي من اللي تحداني غريب وبراني كي ديرانا فكرت بلادي سهر ربي مرضى أنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجينو يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجينو يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم n'est plus comme la veille, c'est pas le jour de la paix, mais le jour de la veille, toujours frais, chambon, mon parfum c'est oseille, DJ play, mon son, il se ruine en bouteille, incroyable mais vrai, MC en bébé gay, m'arrive toujours pas, là je vis encore moins à l'orteille, j'ai dû m'envoler, blindé, par le sommet, veulent me fioler, bronzer, sous mes rayons de soleil, font les beaux, font les chauds, stupides dans leur clip, mais n'ont pas le charme du ghetto, dans la rue ça part plus vite, flic, bang, j'suis pas un boys band, mais un gangster, les chaloux font les dingues, savent devant qui est gangster, monde au sous des sincères. Monde un libéral qui s'insère, légendaire, pour les gens durs. Je suis tout ce que j'en veux, en temps d'air, il porte un string dans mon flingue, c'est un joueur en dur. Ça donne des gros en cachette. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. Salut, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Skyrock. Le dimanche soir, rendez-vous avec Rail Suprême, DJ Case. Déjà une première bonne session. Ouais, 40 minutes de folie. Et la bonne nouvelle, c'est que ça continue dans un instant. Oui, ça continue. Ouais. Mais juste avant, un petit point, Case, sur ce qui se passe pour toi, les soirées, là, parce que là, c'est chargé en ce moment. Hein. Ouais, c'est chargé, c'est la fin de l'année. Donc, vendredi 18, je suis, bon, pour nos amis espagnols ou à la frontière, je suis à Barcelone, au Catwalk. C'est un grand club connu là-bas à Barcelone. Et le samedi, je suis à Argenteuil, il s'appelle The Act. Et juste après, à Osso, c'est Champs-Élysées à Paris. Et le 24 décembre, voilà, ça c'est pour nos amis allemands, c'est à Francfort. Ya! Yeah. Yeah. Donc soirée du réveillon, toi. C'est ça. Ambiance choucroute. À Francfort. C'est ça, à Francfort. Et il y aura d'autres dates. Donc n'hésitez pas à aller sur la page DJ Case. Et il y a toutes les infos dessus. Et là, on est reparti pour pareil, ambiance soirée. Ah bah oui, là c'est. Mettez bien fort, nouvelle session avec DJ Case. C'est ça. T'es invité au mariage du plus vrai et de la plus fraîche. En mode oriental, palace, Dubaï, Marrakech. Bugatti, Bentley dans le cortège. Escorté par la pègre, bébé, que Dieu nous protège. Fuck mon ex et ses sortilèges et le cœur lège. Les anges nous enveloppent, ça vaut ce privilège. Prends ce billet de 500 pour essuyer tes larmes. Ta robe tue, elle est aussi blanche que mon arme. Ton mari vient de la rue, le costard taillé par une lame. On l'appelait déjà monsieur, demoiselle devient une dame. T'es plus une gamine, sape tes clubeuses de co. Orgueilleuse bousillée à la nicotine. Fais-moi confiance, tiens mon code PIN. Si tu me réveilles pour prier derrière moi, je dirai amine. Tu veux un enfant de moi, faut que t'en restes digne. Pour les jours où notre mariage aura une sale mine. Marie tes rêves, Miss, marie mes cauchemars. Impose la trêve, je puisse m'évader du corbillard. Avant que les corps remontent à la surface du brouillard, je me fasse une pente, finisse au trou comme la poule noire. Les corbeaux survolent mon passé sans foi ni loi. J'enterre ma vie de garçon dans les profondeurs d'une fille de joie. Une rose rouge pour implorer le pardon si je déçois. Habille-toi de moi, je tirerai mieux que de la soie. Me demande pas de faire un choix entre ma mère et toi. Yeah, ma place au paradis se trouve pas sous tes pieds. Je ne lâcherai pas ma famille, insulte pas mes amis, t'amuse pas. Poser le doigt où ça fait mal à ma vie. Ma confiance compte plus que des bisous. Mon honneur entre tes mains vaut plus que tous tes bijoux. Tire-moi vers le haut, je te le rendrai mea molle. Et plus de valeur que l'or, je t'aimerai jusqu'à la mort. Marié à mes principes, marié à mes vices, mais pas marié à un sale type. Soit on est hnine, soit on ne l'est pas. Garde-moi seul, confident entre les hauts et les bas. Quand on se dévoile, les vautours s'alimentent. Une alliance ne garantit pas l'entente, ni la réponse aux attentes. Pas l'ombre d'un doute, si ton soleil mon existence. Sacrifie ton physique pour enfanter ma descendance. Accorde-moi cette danse, sous notre pleine lune de miel. Deux étoiles dans le ciel, dans mon cœur noir, une étincelle. Tu voulais un homme ouvert, à la fois autoritaire, qui te fait péter des airs, qui te rappelle ton père. Je t'ai déshabillé de son nom pour te vêtir du mien. M'aimeras-tu encore si les épreuves nous enlevaient nos biens? Les dimanches après-midi, en visite chez les tiens, sous la méfiance d'une belle-mère, le mélange innocent de nos liens. C'est DJ Case, retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Je peux pas tout comme le drapeau de l'Algérie. Bled et où mettre celle où les pas raconter. Ils savent tous que je suis coté. Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non, dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai vu trois verres, je suis faillage contre la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'une boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste. Au platine, c'est DJ Kaïs. Tout le monde, c'est DJ Kaïs. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan hele güneresi doldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni bir de aynı tekrar deliğinden çıkarak kaderin püskül bela. Ya yaparsan ensesem en valeur. J'ai pris son hum, j'appellerai tout à l'heure. Pour l'instant, je suis avec mes potes, je regarde même pas l'heure. J'ai pas la belle caisse, j'ai pas des millions. Certains me détestent parce que je suis mignon. M'a dit fais gaffe aux femmes, elles font des drames. Mauvaise de l'intérieur, elle te détourne avec son charme. Ma soirée est finie, y'a plus de timide. Je retourne la voir, elle s'est féminine. Et laissez-moi dans mon monde. Et laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. Mais moi j'sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais pas de mon cul. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais pas de mon cul. Ignore-la. Traumatisé. Faut que je la pète donc je vais pas trop teaser. J'y vais, je me calme, je vais pas trottiner. Je fais genre attitude mais à deux doigts de queener. Je fais tour des maquerelles et je me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes sont censurées. Monsieur calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent sera éliminé. Elle fait mal. une élégante girl pour elle, c'est normal. Son charme fait de nous des sauts, maman. On bat sa taille, elle sait comment mener les hommes pour elle, c'est normal. Cette femme, elle vaut des mille et des cents. Cette go me rend fou. T'as vu le bruit qu'elle a. Cette go me rend fou. T'as vu le bruit qu'elle a. DJ. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. C'est DJ Kay, retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On jusqu'au bout de la nuit, danser, danser à la oui, jusqu'au bout de la nuit, danser, danser à la oui, jusqu'au bout de la nuit, danser, danser à la oui, jusqu'au bout de la nuit, dans la cérémonie, je t'invite à me suivre. Danser à la oui, jusqu'au bout de la nuit, danser à la oui, jusqu'au bout de la nuit, danser à la oui, jusqu'au bout de la nuit, danser à la oui, jusqu'au bout de la nuit. Algérie, Maroc, Morocco, Tunisie, jusqu'au bout de la nuit. Je fixe ça. انا نربيها بلا بشر كيفي ما تخيبنيش بلا ملايكة سبحان خلقها الهي ملح جلفش بالعيش الهي ملح ما نربيها بلا بشر كيفي ما تخيبنيش بلا ملايكة سبحان خلقها سيد ربي هالعلي ما تخيبنيش راني حالي في دلوقت سلام مرضيهاش سيد ربي هالعلي ما تحشمنيش راني حالي في دلوقت سلام مرفلتهاش Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibéni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yahma, lève-toi et danse. Ça fait plaisir. Et

de Rail Suprême, en direct sur Skyrock. Comme tu le veux, ouais, fais comme tu le sens. Comme on dit là-bas, c'est 100%. Aïe, 100%. Ouais, gros, faut que ça tombe, comment il faut que ça tombe. J'sais à quoi m'attendre, système critique, il creuse. après ça tombe. Pas de pacte avec Satan, ça joue avec mes nerfs, ça commence à ma tête. Je commence à peine, dehors c'est chaud, dedans c'est chacun sa peine. Robé des H, tu me fais la vie, je sais pas comment tu t'appelles. T'as pointe à rouver, sur grand-père, je n'ai rien à prouver. Braquage, je suis blé, pion tout fait. Les Schmitt sont sur ils veulent les soulever. je t'ai cherché. Sans jamais, jamais te trouver. Ça y est, ce soir on va se marier. Oh là, je peux pas te lâcher. La la la la la la la la. Allez, viens, saute à son cou. Rail Suprême, c'est déjà fini pour ce soir. Ouais, le temps passe vite. C'est ça. Donc loupez pas, tiens, Rancard, tiens, puisque ça aussi on l'a découvert dans Rail Suprême. Ritza qui débarque demain, là, toute la semaine entre 20 et 21 avec son album. Un coucou en même temps. Son projet qui est dans les bacs. Qui est dans les bacs, qui est super. Donc on a joué un ou deux extraits ce soir. Donc voilà, allez vous le procurer, c'est du méga lourd. Et on pourra continuer à le découvrir donc dès lundi 20h-21h. Toi, t'es en soirée aussi à pas louper. C'est ça, ouais. Cette semaine. Cette semaine, vendredi, je suis à Barcelone au Catwalk. Samedi, en première partie, je suis à The Act. C'est à Argenteuil, juste après au Sceau, c'est à Paris. Et voilà, et le veillé de Noël, ça se passera en Allemagne. Donc pour ceux qui veulent sortir, qui sont du côté de Strasbourg, Mulhouse ou Metz ou n'importe où, ils peuvent venir à Francfort. Direction Francfort pour retrouver DJ Case. Et puis sinon, pour pas trop bouger, la semaine prochaine. Ouais, sur Skyrock. Ah ouais, on sera là, ouais. Pour un nouveau Rail Suprême. Merci. Et ça sera les vacances en plus. Et ce sera les vacances, on fêtera ça, comme il se doit. Allez. Bonne soirée, merci ciao, à vous ciao, tous. Merci. Le son, ça continue sur Skyrock. Ciao. En décembre, le Père Noël devient animateur.